s'est-il passé le 12 octobre 539 avant notre ère, si ce n'est la fin d'un monde? On le sait, les grands empires sont voués à disparaître, et cela, quelle que soit leur puissance. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture se penche sur l'héritière des civilisations de Sumer et d'Akkad, Babylone, celle-là même évoquée par Aristote, Xénophon et la Bible, voire les livres d'Isaïe et de Daniel, celle-là surtout qui, au cours du VIe siècle avant notre ère, dominait l'Orient. À la lumière des fouilles, mais surtout de milliers de tablettes cunéiformes provenant des grandes métropoles que sont Ur, Uruk, Nippur, Sippar, nous retracerons les derniers instants de la mythique cité, ceux de son empire, comme l'histoire de son dernier roi, Nabonide, roi fou, héritier de Nabucodonosor, avec Francis Johannes. Bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite d'histoire ancienne à l'Université de Paris 1, assyriologue et spécialiste de l'histoire économique, sociale et intellectuelle, vous venez de faire paraître La chute de Babylone aux éditions Talendier. Je l'ai déjà évoqué, mais Francis Johannes, vous êtes pour moi le seul épigraphiste que j'ai côtoyé il y a 40 ans sur les rives de l'Euphrate. En pleine guerre Iran-Irak, nous fouillions alors la ville paléo-babylonienne d'Aradoum, Kirbet el-Dinyé, et vous nous lisiez, à la pause, les tablettes juste sorties de terre, riches instants d'archéologues que l'on ne peut oublier. Francis Johannes, Babylone est la principale puissance de Mésopotamie depuis le XVIIIe siècle, grosso modo depuis Hammurabi. C'est un empire qui va de la mer du haut à la mer d'en bas, pour reprendre l'expression des rois mésopotamiens. Oui, alors la mer en haut, c'est la Méditerranée, celle d'en bas, c'est le golfe Persique, donc une orientation qui ne nous est pas tout à fait familière, puisque nous voyons plutôt les choses nord-sud, alors que là, il s'agit d'une extension de l'ouest vers l'est. Et c'est un ensemble qui couvre, en gros, l'Irak, la Syrie, et puis le Liban, Israël actuel, qui s'est constitué à partir de la fin du 7e siècle, dont la capitale est donc située en Mésopotamie, à Babylone, donc à 100 km de Bagdad actuellement, mais qui s'est étendue jusqu'à la Méditerranée et qui domine donc tout cet ensemble du Proche-Orient, en ayant quand même un certain nombre de rivaux, au sud-ouest l'Égypte, qui reste une puissance particulièrement importante. À l'est, ce qui est en train de se constituer sous la forme d'un premier empire perse. Et puis, au nord-ouest, le monde de l'Anatolie, de la Turquie actuelle, avec la Phrygie, la Lydie, enfin, toute une série d'États. Mais c'est vraiment à cette époque, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ et au 6e, Babylone qui est la puissance majeure. Babylone, ce n'est pas n'importe quelle ville mésopotamienne. Hormis sa puissance, même son urbanisme sur l'Euphrate était très particulier. D'ailleurs, ce n'est pas rien. On l'appelle donc la porte des dieux. Oui, la porte des dieux, donc en langue babylonienne, se dit Bab Ilanis, qui a donné le nom de Babylone. Et c'est une ville qui apparaît à la fin du 3e millénaire, qui n'est d'abord qu'une bourgade de seconde importance. Et puis, à partir du règne de Hammurabi, effectivement, vers 1800 avant Jésus-Christ, qui devient la capitale de l'ensemble de la Mésopotamie. Et ce rôle, eh bien, elle va le garder jusqu'à au moins 539, donc cette chute sous le roi Nabonide. Mais même après, Babylone restera un centre intellectuel et économique majeur. Babylone, bien sûr, ce sont des remparts créés par Nabucodonosor II. C'est aussi une ville traversée par le fleuve. Ça, c'est une curiosité urbanistique. Oui, parce que en général, que ce soit l'Euphrate ou le Tigre, les fleuves sont assez capricieux en Mésopotamie. Et donc, les villes ont besoin de leur eau pour l'irrigation, mais elles répugnent à se mettre directement au bord du fleuve. Et seules deux grandes cités de Mésopotamie ont réussi à s'implanter de cette façon. La première, c'est la capitale religieuse sumérienne de Nippur. Et puis la seconde, c'est Babylone, qui a hérité d'ailleurs de ce rôle de capitale religieuse au cours des siècles. Et donc Babylone est répartie de part et d'autre de l'Euphrate, le cours du fleuve ayant d'ailleurs bougé depuis l'Antiquité, s'étant déporté vers l'ouest, ce qui fait que l'ancien quartier occidental de Babylone est maintenant sous les eaux de l'Euphrate. Et il y avait un pont qui a été retrouvé d'ailleurs. Oui, un pont construit par Nabucodonosor, le seul pont existant à l'époque sur tout le cours de l'Euphrate, avec des piles en pierre sur lesquelles était disposé un tablier fait de poutres de bois. Et ce pont a été suffisamment connu et célèbre pour que l'historien grec Hérodote en ait entendu parler au 5e siècle et en ait fait la description. Et puis, ce sont des grands monuments, on peut penser des ziggourats. C'est aussi le temple de Marduk. Marduk, c'est un dieu dont on reparlera. C'est le dieu de la ville. C'est à l'origine le dieu propre à Babylone, mais au cours du deuxième millénaire, il a gagné en puissance et il est même devenu carrément le chef du panthéon, le roi des dieux. Le roi Nabonide monte sur le trône en 556 avant notre ère. Disons-le tout de suite, c'est un roi usurpateur. En effet, il accède au trône après l'assassinat de son prédécesseur, qui n'a régné que trois mois, qui s'appelle Labashi Marduk, et dont l'histoire n'a pas retenu le nom ni les actions. Nabonide est le bénéficiaire d'un complot qu'il n'a peut-être pas initié lui-même, mais il a été appelé à monter sur le trône, et donc il a accepté. C'est un vieux roi déjà, il a déjà 60 ans, c'est ça ? Voilà, c'est quelqu'un, ça n'est pas du tout un jeune conquérant impétueux, c'est quelqu'un qui a une longue carrière derrière lui, et c'est important de rappeler effectivement cet âge, parce que ça veut dire qu'il a accompagné le développement et la maturité de l'empire néo-babylonien, et que quand il accède au trône, eh bien ses références sont quand même déjà anciennes en termes de géopolitique ou de façon de gouverner le pays. Quelques mots sur son fils, Balthazar, qui d'ailleurs l'a très probablement beaucoup poussé à prendre le pouvoir. Balthazar, c'est la forme que nous a transmis la Bible, donc il s'appelait en langue acadienne Bel-Shar-Utsur, ce qui signifie « Ô Bel », Bel étant l'un des noms de Marduk, « Ô Bel, protège le roi », c'est un nom qui effectivement est programmatique, en général pour des fonctionnaires ou des dignitaires qui sont censés être fidèles au souverain. Or, il semble bien que Balthazar Belshahroutsour ait au contraire été l'initiateur direct du complot en poussant son père sur le trône et en espérant pouvoir assez vite d'ailleurs prendre sa succession. Alors Balthazar, c'est bien sûr le fameux fastan de Balthazar évoqué dans le livre de Daniel. C'est même aussi un extraordinaire tableau peint par Rembrandt. Alors c'est l'une des versions effectivement de la chute de Babylone. C'est un épisode très célèbre d'un festin célébré par Balthazar, dont la Bible nous dit qu'il était roi alors qu'en fait il n'est que le fils de Nabonide à l'époque. Et Balthazar, donc, pour célébrer son festin, utilise les vases sacrés qui ont été pris dans le temple de Jérusalem en butin par Nabucodonosor. Donc là, il y a là une forme de sacrilège qui se traduit par le fait qu'une main mystérieuse vient tracer des mots sur le mur. Alors on le voit très bien effectivement dans le tableau spectaculaire de Rembrandt qui provoque l'épouvante dans toute l'assistance. Et seul le prophète Daniel est en mesure d'expliquer ce que signifient ces mots, et ils annoncent la fin de l'Empire de Babylone. Déjà. Dès le début, Nabonide semble troublé par la légitimité des dieux face à son usurpation. C'est du moins ce que décrit la stèle de Babylone aujourd'hui qui est conservée donc à Istanbul. Oui, Nabonide nous a laissé un assez grand nombre d'inscriptions qui, à la différence de ses prédécesseurs, ont une tournure très personnelle. Et il n'hésite pas à parler donc de lui, de ses antécédents, de ses craintes, de ses espoirs. Et il explique très bien que, comme il dit, la royauté n'était pas du tout dans ses intentions ou dans son esprit. Et il a accepté parce qu'il pensait que les dieux souhaitaient qu'il monte sur le trône. Mais vu les circonstances de cet accès un peu particulier, il s'est toujours interrogé pour savoir quelle était sa légitimité, et celle-ci lui a été confirmée par des rêves qu'il a fait. Et en particulier, il a vu ainsi le roi Nabucodonosor lui apparaître en rêve et lui confirmer qu'il le considérait bien comme son héritier légitime. Francis Johannes, la part des rêves semble extrêmement capitale chez Nabonide. C'est une chose courante ? Il y a plusieurs récits dans toute l'histoire mésopotamienne, effectivement, de rois qui reçoivent des messages divins, parce que c'est ça le propre du rêve, c'est de pouvoir communiquer avec le monde des dieux directement, sans passer par des manipulations magiques ou par des rituels, et donc des prêtres spécialisés dans cette pratique. Le rêve met directement le roi en contact avec les dieux, et l'un des rêves les plus célèbres, c'est celui du prince de Lagash, Goudéa, au troisième millénaire, qui reçoit ainsi l'ordre de reconstruire le temple du dieu. Mais Nabonide, lui, a donc, dans plusieurs cas, fait des rêves dans lesquels les dieux lui donnaient aussi leurs instructions ou le réconfortaient en lui assurant que sa politique, enfin la façon dont il menait les choses, était la bonne. Une des caractéristiques de Nabonide est qu'il est tourné vers le passé. Les archéologues ont fait de celui-ci le premier archéologue de l'humanité, en parallèle bien sûr des empereurs chinois. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, Nabonide, dans les inscriptions où il raconte comment il a restauré les temples et où il l'a fait de manière extrêmement soigneuse parce que justement c'est quelqu'un de pieux, donc nous décrit les véritables fouilles qu'il fait entreprendre, parce que l'idée n'est jamais de reconstruire selon les modes du moment un temple, mais au contraire de retrouver le plan d'origine et de rebâtir à partir du périmètre initial. Il faut donc s'enfoncer dans le sol le plus loin possible pour être sûr d'avoir atteint la plateforme de fondation originelle, dans laquelle souvent on trouve d'ailleurs une inscription laissée par le roi qui avait construit le temple en premier. Le clou de fondation, c'est bien ça. Voilà, l'ensemble des inscriptions de fondation. Et alors c'est très intéressant dans les récits que nous fait Nabonide, à la fois sur les méthodes qu'il utilise, parce que il fait effectivement creuser et bien retrouver le périmètre. Il identifie les différents niveaux qu'il traverse, il les date, il fait expertiser les inscriptions trouvées par ses scribes spécialisés dans la lecture des inscriptions anciennes. Et puis, eh bien, il redécouvre, par exemple, ou il décrit des scènes figurées qu'il trouve sur certaines stèles anciennes. Alors, et un dernier point qui est intéressant, c'est que dans les datations qu'il nous donne, il retrouve ainsi, par exemple, des états de temples datant du règne d'Amourabi, ou bien datant du règne de Sargon d'Akkad au troisième millénaire, et il reconstitue ainsi des épisodes ou des marques chronologiques clés de l'histoire mésopotamienne qui, curieusement, eh bien, sont devenus les nôtres, c'est-à-dire que nous avons suivi Nabonide en considérant que les grandes époques de l'histoire mésopotamienne, c'était effectivement celle de Sargon ou celle d'Amourabi, mais c'est peut-être lié justement à la façon dont il présente les choses et peut-être pas toujours à la réalité de l'histoire elle-même. Francis Johannes, sous Nabonide, il y avait donc déjà des épigraphistes, votre propre métier. Il y a aussi la découverte donc de la statue de Sargon d'Akkad qui date d'environ de 2300 avant notre ère. En fait, Nabonide revendique les anciens empires dans sa propre filiation, c'est bien ça ? Oui, c'est une forme de légitimité qu'il recherche, c'est-à-dire qu'il se présente à la fois comme favorisé par les dieux et donc doué de toute une série de qualités, mais en même temps, son ambition, c'est d'inscrire l'empire néo-babylonien qu'il dirige à la suite de Nabucodonosor dans la continuité de ce qui a été fait à l'époque d'Amourabi, donc plus d'un millénaire auparavant, et même du premier grand empire mésopotamien qui avait dominé l'Orient, celui de Sargon d'Akkad en 2300 avant Jésus-Christ. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Francis Johannes, Nabonide se lance à ses débuts dans une grande réforme administrative des temples, notamment celui de la déesse d'Ishtar, donc dans la cité d'Uruk, c'est bien ça ? Oui, au sud de la Mésopotamie. Alors c'est un temple pour lequel nous avons la chance d'avoir ces archives, les archives de cette époque, qui ont été retrouvées sous la forme de plusieurs milliers de tablettes cunéiformes qui sont actuellement dans des musées européens ou américains pour l'essentiel, et donc qui nous montre comment vivait au quotidien un grand ensemble, un grand sanctuaire de ce type, à la fois avec ses activités religieuses, mais surtout une énorme gestion économique et administrative au profit d'une bonne partie de la bourgeoisie locale, qui tirait à la fois du prestige et des revenus matériels de ce temple. Et on voit très bien qu'il y a une espèce de compétition ou de rivalité entre le roi qui doit assurer un culte le plus prestigieux possible et puis la population locale, donc des notables de d'Uruk, qui eux tiennent à l'aspect, disons, revenu que leur procure le temple. Et Nabonide est intervenu à plusieurs reprises pour imposer la politique royale, la politique de Babylone, dans ce qui était géré peut-être un peu trop localement. Alors, on n'insistera jamais assez sur le rôle des temples et des dieux en Mésopotamie. C'est capital, c'est ce qui organise le monde. Oui, c'est quand même la structure qui tient une bonne partie de la société. Dans les années 50, la sériologue américain Leo Oppenheim avait très bien montré justement que, en particulier au premier millénaire, la société et l'économie en Mésopotamie reposaient sur ce qu'il appelait les grands organismes, c'est-à-dire le palais royal d'un côté, et puis les temples qui ont des ressources en terre et des moyens en personnel qui sont sans commune mesure avec ce que peuvent mettre en œuvre les autres agents économiques. Et donc là, toute la prospérité du pays et son exploitation agricole en particulier repose sur la gestion et sur l'exploitation qui est faite par les temples. Une des fonctions du roi, c'est bien sûr de guerroyer. En 553 avant notre ère, Nabonide et son armée partent en Arabie, une terre encore inconnue. L'aventure durera 10 ans, hors bien sûr de Babylone et de la Mésopotamie. Ils s'installent même dans une oasis, l'oasis de Taïma actuellement en Arabie Saoudite. Un acte plus que curieux pour un roi. Oui, quand on regarde une carte du Proche-Orient, on se demande d'ailleurs toujours, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait trouvé une réponse évidente, pourquoi le roi de Babylone est parti s'installer vraiment en plein cœur de la péninsule arabique, qui est quand même un ensemble énorme, et il y est resté pendant 10 ans. Alors, il faut souligner que depuis quelques années, donc il y a des entreprises archéologiques intenses dans la péninsule arabique et que à Aloula, à Taïma elle-même, qui est fouillée par une mission allemande, et les découvertes, eh bien, se succèdent à un rythme assez intéressant. En particulier dans le cas de Nabonide, depuis quelques années, eh bien, des surveys menés dans la région de Taïma ont permis de découvrir de nouveaux monuments laissé par ce roi, des stèles inscrites avec sa représentation, donc qui permettent de mieux comprendre comment il a vécu à cet endroit. Et donc, une a été encore découverte en 2021. Nous possédons beaucoup de sources contre Nabonide. La chronique et le pamphlet de Nabonide, le cylindre de Cyrus, donnent pour raison que le roi aurait péché contre les dieux. Il n'a pas assisté à la célébration du dieu Marduk et à son règne divin, donc, à Babylone. Oui, l'un des devoirs d'un roi de Babylone, c'est chaque année, au début de l'année, de participer à ce qu'on appelle la fête de l'Akitu ou la fête du Nouvel An, au cours de laquelle il doit déposer les insignes de son pouvoir devant la statue de Marduk et être réintronisé en quelque sorte. Or, Nabonide restant 10 ans sans revenir à Babylone, eh bien, la fête de l'Akitu n'a pas pu se tenir. Et dit dans les chroniques postérieures, on enregistre d'ailleurs soigneusement que la 7e ou la 8e année de son règne, eh bien, le roi était à Théma et la fête n'a pas pu avoir lieu. Or, comme cette fête se traduit par une régénération en quelque sorte de la ville, une purification générale, le fait que cette purification ne puisse pas avoir lieu pendant 10 ans de suite a évidemment accumulé les mauvaises influences ou un état, disons, d'impureté qui ne convenait pas du tout au temple principal de Marduk et qui fait que les prêtres du dieu en particulier en ont beaucoup voulu à Nabonide. Et on constate donc que c'est l'un des rois pour lesquels il y a une véritable littérature contestataire, ce qui est extrêmement rare dans la littérature officielle de Mésopotamie. Alors on évoque aussi sa piété, sa dévotion envers le dieu de la lune, Sin, loin bien sûr du dieu de Babylone, Marduk, et une fois rentré à Babylone, Nabonide promeut d'ailleurs ce dieu. Oui, alors toute proportion gardée, c'est un destin qui n'est pas si éloigné de celui du célèbre pharaon Akhenaton, qui a essayé au deuxième millénaire d'introduire une réforme religieuse dans le panthéon égyptien. Et Nabonide, eh bien, d'une certaine façon, fait la même chose, c'est-à-dire qu'il essaye de substituer comme roi des dieux le dieu Sin, le dieu de la lune, au dieu Marduk. Il faut préciser que le dieu de la lune est un dieu qui, à cette époque, est adoré dans l'ensemble du Proche-Orient, donc où il a une fonction quand même majeure. Donc il est connu à la fois des Babyloniens, mais aussi des Araméens de l'Ouest, et puis des gens du Levant. Donc il y a peut-être dans cet essai de Nabonide la volonté de créer une religion impériale, aurait été accessible à tous les sujets de l'Empire et pas seulement, comme avec Marduk, aux seuls Babyloniens. On peut parler d'une nouvelle théologie ? Oui, dans la mesure où il remet en cause évidemment la suprématie de Marduk qui était assurée par un célèbre texte mythologique qu'on appelle l'épopée de la création, dans laquelle on expliquait que Marduk avait vaincu les forces du mal et du chaos et avait organisé le monde. Or, si Marduk n'est plus le roi des dieux, mais que c'est le dieu Sin qui dirige le panthéon, évidemment, à ce moment-là, tout cet édifice, ou toute cette construction théologique s'écroule. Francis Johannes, pire, Nabonide se lance dans l'hérésie, pour ne pas dire la profanation, ce qui ne va probablement pas plaire aux élites lettrées Babylone et d'Uruk, qui ont une dent contre lui. C'est ce que lui reproche précisément dans ces textes donc polémiques que nous avons retrouvés sur des tablettes cunéiformes postérieures. C'est ce que lui reproche tout le milieu des lettrés et des prêtres de Babylone. Alors, il lui reproche plusieurs choses. D'abord, effectivement, d'avoir une conception concernant le dieu Sin qui n'est pas du tout orthodoxe, mais également de se targuer de connaître les prières ou les moyens de pratiquer le culte, alors qu'en fait, il n'en est pas spécialiste. Et c'est une question intéressante de savoir justement dans quelle mesure Nabonide possédait cette culture lettrée qui implique de savoir lire le cunéiforme, d'avoir lu toutes les grandes séries astrologiques ou divinatoires. Et lui-même, dans ses inscriptions d'ailleurs, dit qu'il n'a pas besoin des prêtres ou des spécialistes pour interpréter les messages que lui envoient les dieux. Francis Johannes, Jean-Jacques Glasner m'a raconté voici des années l'histoire d'un roi fou mésopotamien ayant fait manger du poireau aux prêtres. Est-ce Nabonide ? Non, c'est encore un autre ? Non, c'est un de ses prédécesseurs qui s'appelle Nabuchomishkun, mais qui lui aussi a été en conflit avec le milieu clérical et donc a été affublé par la suite d'une série de mauvaises actions. Donc non seulement il obligeait les desservants à manger du poireau, c'est-à-dire équivalent de manger de l'ail, au moment de pénétrer dans les pièces réservées aux dieux. Les dieux n'aiment pas la mauvaise haleine. Voilà, exactement. Et puis également, Nabuchomishkun aurait détourné à son profit des trésors qui qui étaient les trésors des temples. Et à la fin, d'ailleurs, il est accusé d'avoir fait brûler un certain nombre de ses opposants. Donc, il entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les mauvais rois, puisque dans les textes de la fin de la civilisation mésopotamienne, les textes historiques, on dresse ainsi le bilan de certains règnes en montrant que les rois qui ne respectaient pas les commandements des dieux ou qui n'étaient pas suffisamment pieux, et cela revient à dire donc qu'ils ne se soumettaient pas aux instructions des prêtres, eh bien étaient à ce moment-là des rois qui sont condamnés par la postérité. C'est le cas de ce Nabuchomishkoun, c'est également le cas évidemment de Nabonide. Mais pour Nabonide, les choses ont commencé presque dès la fin de son règne. Et d'ailleurs, pour ce roi, j'avais lu donc qu'il avait muré la grande voie processionnelle, ce qui était quand même visiblement un sacrilège, et il avait aussi donné son harem à d'autres rois, et donc donner son harem, c'était l'occasion pour lui donc d'être éliminé. Le 12 octobre 539, Babylone tombe aux mains des Perses. Elle ne s'en relèvera jamais, et avec elle prend fin donc la période néo-babylonienne. C'est aussi la fin d'un destin, celui de Nabonide, cet homme qui ne voulait pas être roi. Oui, donc au bout de 17 ans de règne, eh bien, tout se joue en une seule nuit. Alors, on sait qu'il s'agit de la nuit, donc du 11 au 12 octobre, et la date est connue parce qu'on la retrouve dans une chronique babylonienne qui permet de la dater donc au jour près. C'est le résultat d'un coup de main et d'une opération de commando particulièrement audacieuse menée par un contingent perse dans Babylone qui prend complètement par surprise les Babyloniens et le roi lui-même, le roi qui n'est pas à Babylone à l'époque mais qui est un peu plus au nord où il essaye de résister à l'avancée des Perses. Et il y a donc un mouvement tournant qui se fait à son insu et qui fait que la ville est prise alors que lui-même ne s'en rend pas compte. Au petit matin, donc, les Perses occupent donc la ville de Babylone. Vous faites un parallèle avec la chute de Bagdad et notre propre présent et cette fameuse année 2003. Oui, je me souviens en 2003 avoir vu à la télévision effectivement l'entrée des troupes américaines au moment même où les autorités irakiennes déclaraient qu'ils avaient repoussé les premiers assauts américains. Et ça m'a fait penser tout à fait à cette chute de Babylone qui a suffisamment marqué les esprits pour qu'on en retrouve des traces à la fois dans la Bible, mais aussi chez certains historiens grecs. Donc ça a été un événement qui, sur le moment, n'a pas été compris par les Babyloniens eux-mêmes, mais qui très vite est devenu symbolique de l'écroulement d'un empire. Quel sera le sort de Nabonide ? Visiblement, les avis et les versions divergent. Oui, on a dit, enfin, les historiens comme Xénophon, par exemple, ou Hérodote, laissent entendre qu'il aurait été épargné par son conquérant, le roi Cyrus, et qu'il aurait été fini paisiblement ses jours dans l'est de l'Iran comme gouverneur d'une principauté locale. Il est beaucoup plus probable qu'il a été éliminé pendant la chute de la ville. Francis Johannes, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La chute de Babylone, qui vient donc de paraître aux éditions Taillandier. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Élise Leu, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.